d'un regard indiscret, je jette mes yeux à la première venue. Elle est belle, elle me plaît, et pas qu'un peu, et je crois qu'elle m'a vu. Tout doucement, je m'approche sur ses formes, je ricoche, elle est belle comme un ange. C'est pas elle que ça dérange, je sens que c'est dans la poche, mais elle s'en va. La la la la, la la la la. Elle s'en va. La la la. La la la la la la la la la. Essuyer pas mal de revers, des claques dans la gueule qui étaient pas méritées, des confiés. Mais derrière moi ça me fait pas peur, j'ai des yeux qui vont partout, je peux les éviter. Elle m'applaudit tout le temps, mais je sais pas si c'est parce qu'elle veut que je me casse, parce que je lui plais, mais moi je m'en fous. Je continue d'y penser, je rêve qu'un jour je me poserai sur ses lèvres. La la la la, la la la la. Et ça j'en crève. La la la, la la la la la la la la la. Allez. C'est triste de se dire qu'on pourra jamais goûter au bonheur d'un baiser bien sucré, sentir délicatement battre son cœur. Car je suis une mouche qui aime une femme, ne me demandez pas pourquoi moi je suis heureux comme ça. Si vous trouvez ça louche, moi j'en fais pas un drame. Et puis voilà, ah, la la la la, la la la la, oh, c'est comme ça, ah, la la la la la, la la la la la la la la la. Je ne sens plus mes ailes. Quand j'ai au-dessus de moi, elle est toujours aussi belle. Je ne suis pas par terre, mais je suis pourtant pas dans les airs. Je crois que je suis dans ses mains, je sens encore son parfum. J'ai le cœur brisé, j'ai le corps broyé. Je suis même heureux d'avoir aimé, même si c'est un amour sans retour. Je me dis que j'ai fait mouche pour toujours. La la la la, la la la la. Oh, oh, c'est comme ça. La la la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hey yo. Hey!